Haunted Barrow de Michel Deutsch. J'avais rendez-vous avec Teddy Barlow dans ce café de la 7e rue, tout à côté du City Hall à Anchorage. Dehors, le vent soufflait en rafale et les lumières vacillantes de la ville se reflétaient sur les congères gelées au bord des trottoirs. À la table, à côté de celle où j'attendais en buvant un café, un jeune homme et une jeune femme ne se quittaient pas des yeux, se tenant les mains comme s'ils étaient seuls au monde. Ils semblaient exclusivement occupés l'un par l'autre. Je les écoutais parler. J'écoutais de manière indiscrète leur conversation qui avait tout de la taquinerie d'amoureux. Ils ne devaient guère avoir plus de 25 ans. Je crus comprendre qu'ils s'étaient séparés parce qu'ils avaient eu peur de parvenir trop vite au bonheur. De temps en temps, la jeune femme lâchait la main de l'homme, se penchait et rajustait sa chaussure en donnant le sentiment qu'elle voulait malgré tout pouvoir s'en aller en courant. Le jeune homme, quant à lui, continuait à la fixer dans les yeux en lui parlant de créatures qu'il prévoyait d'inventer un jour et qui auraient comme particularité de ne servir à rien. Le fameux tigre des miroirs dont parle Borges dans son manuel de zoologie fantastique à la page 71 de l'édition publiée par le Fondo de Cultura Económica Mexico 1957. Ces êtres ne sont après tout que le produit de recombinaisons génétiques. Il suffit de fermer les yeux, de se placer devant un miroir... Et le tigre surgit sous la forme du tigre dont tu as rêvé la nuit précédente. Mais chérie, ton tigre n'a rien à voir avec une recombinaison génétique. C'est un personnage, ou plutôt un animal littéraire inventé par un écrivain. C'est un pur produit de l'imagination, un tigre rêvé. Je songeais à les savoir pourquoi on allait retrouver le rire de la jeune femme au fond du miroir, à la place qu'avait occupé le tigre qui s'était éclipsé juste avant le tomber du rideau. Quel rideau ? Pourquoi un rideau ? Ce n'est que lorsque se produit un deuil dans une maison qu'on voile les miroirs. Et encore, cette tradition est-elle tombée en désuétude depuis longtemps? Mais ne s'agit-il pas plutôt d'un rideau de théâtre, d'un rideau rouge qui se ferme sur le miroir après la sortie du tigre? L'histoire ne nous renseigne pas, pensais-je, sur ce que devient le tigre littéraire échappé du miroir. En fait de rideau, il s'agit d'un rideau de mots. Les mots disent ceci ou cela ou autre chose. Et lorsqu'ils ne disent plus rien, c'est comme un rideau en effet qui se ferme sur le sens. L'histoire ne dit rien de ce qui arrive au rire logé désormais au fond du miroir. En levant les yeux, en revenant sur terre si on veut, j'avais vu le jeune homme se pencher vers la jeune femme et l'embrasser. Il y a quelques années, un collègue de l'université de Seattle a introduit un gène de souris dans le génome d'une mouche, dotant celle-ci d'yeux ectopiques. Ce qui veut dire que les yeux de l'insecte, de la classe des drosophiles, sont anormalement placés sur des antennes ou sur des pattes, par exemple. Oh, tu me fais peur. Vois-tu, Alice, la question renvoie à ce que l'homme a toujours voulu savoir sur l'identité et l'individualité des espèces vivantes, leur unité et leur diversité. Bon, bien, on y va. Les jeunes gens se sont levés. Il a sorti un portefeuille de la poche de son jean, posé un billet $1 sur la table, puis il a enfilé une parka doublée d'une polaire. La jeune femme a mis un épais manteau jaune matelassé, puis a pris le bras du jeune homme. J'avais envie de me lever à mon tour et de les suivre, savoir où allait l'étrange et un peu inquiétant jeune homme et Alice, la jeune femme qui ne voulait plus avoir peur. Au lieu de quoi, j'appelais la serveuse et commandais un autre café. Au pied de la table que venait de quitter le couple, je remarquai alors un objet qui n'avait pas à se trouver là. C'était un portefeuille en cuir noir. Ce ne pouvait être que le portefeuille du jeune homme. Celui-ci avait dû le laisser tomber en le glissant de travers dans la poche arrière de son jean. Je me baissai rapidement, ramassai le portefeuille. J'étais, je l'avoue, curieux de savoir ce qu'il contenait. Lorsque j'aperçus la serveuse qui m'apportait ma tasse de café, je me suis empressé de le glisser dans une poche de mon manteau. Ted Barlow est âgé de 60 ans. C'est un ancien militaire, un ancien officier de marine qui a sillonné toutes les mers du globe pendant pas mal d'années à bord d'une frégate. Il ne supportait pas la ville. Après avoir quitté l'US Navy, il s'est engagé comme garde forestier dans le Montana. Il y avait encore trop de monde dans les forêts qui entourent Missoula. Teddy a démissionné et s'est fait trappeur, braconnier et chercheur d'or dans les Cache Mountains, dans les terres vierges au nord de la Colombie-Britannique. Je crois savoir qu'il a vécu à cette époque avec une femme, une indienne, et qu'un jour, le canot de l'indienne a chaviré et qu'elle est morte noyée dans le lac du Pigargue. Barlow a quitté la cabane qu'il s'était construite au bord du lac pour monter encore plus au nord, dans une région encore plus désertique. Il est devenu gérant d'une station essence. Il voyait passer une voiture ou un camion tous les 3 ou 4 jours, son voisin le plus proche étant à plus de 200 kilomètres. Pour finir, il s'est reconverti en pilote d'avion-taxi. En été, il dépose des touristes à Dawson City, l'ancienne cité des chercheurs d'or dans le Yukon Territory. Puis, il les emmène à Fairbanks, en Alaska, en survolant le Top of World Highway. Il dépose les pêcheurs au bord des innombrables lacs et les chasseurs dans les Selwyn Mountains. C'est comme ça que je l'ai connu. Lorsque Ted prit place à ma table en face de moi, j'étais en train d'examiner les papiers qui se trouvaient dans le portefeuille que j'avais ramassé sous la table du couple d'amoureux. Le jeune homme s'appelle Thomas Brooks et demeure au 104 Liberty Road à Anchorage, Alaska. Et si j'en crois ses cartes de visite, il est docteur en biologie. La jeune femme s'appelle Alice. Tu n'attends pas de moi que je te blâme pour avoir fouillé dans le portefeuille de cet inconnu, j'espère. Le portefeuille contenait 32 $. Il y avait parmi d'autres papiers, dont un permis de conduire, une photo de l'inconnu, qui ne l'était plus puisque ses cartes de visite venaient de nous apprendre qu'il s'appelait Thomas Brooks, posant avec Alice devant un petit avion Cessna. Derrière l'avion, on apercevait une piste sommairement aménagée, à peine déneigée et au lointain des forêts et des montagnes. Selon toute vraisemblance, il doit s'agir d'un paysage de l'Alaska ou du Grand Nord canadien ? Probablement. Mais ce qui me trouble, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ton bonhomme. Je dis l'impression, en fait, je suis sûr de l'avoir déjà vu. Eh, pas de doute. Il s'appelle comment, tu dis ? Thomas Brooks. Non. Non, c'est pas ce nom-là. Mais je suis absolument certain d'avoir rencontré ce type, tu vois. Aussi certain que tu es assis à cette table en face de moi. Mais il ne s'appelait ni Thomas, ni Brooks. Je racontais à Ted ce que j'avais appris en écoutant la conversation de Brooks et de la jeune femme. Les yeux ectopiques placés sur les pattes des mouches. Et tu dis l'avoir entendu parler de manipulation génétique. Mmh. De tigres et d'yeux ectopiques. Remarque, le tigre est fictif et sort d'une nouvelle de Borges. Mmh. C'est bien le type que j'ai rencontré il y a 2 ans. Oui, oui, 2 ans. Dans la station essence dont j'avais la gérance sur Mackenzie Road. Le type, enfin, celui qui sur ses cartes de visite s'appelle Thomas Brooks, débarque avec un puissant 4x4 japonais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Brooks n'était pas seul. Il y avait un autre type, qui aurait pu être son père, une sorte de grand maigre, placide, avec des cheveux gris, une barbe grise bien coupée. Brooks, je m'en souviens à présent, lui donnait du Andrew, tandis qu'Andrew appelait son jeune compagnon Tom. Oui, ça me revient, il l'appelait Tom. Thomas. Andrew, donc, qui était aussi le plus loquace, me dit qu'ils allaient jusqu'à Little Bear Lake et qu'ensuite ils iraient à Dawson City histoire de visiter la ville des chercheurs d'or. Mais l'itinéraire était totalement incohérent, j'ai dû avoir l'air dubitatif, parce que Tom a dit... Andrew est écrivain. Ah. Il veut visiter la ville de la ruée vers l'or où Jack London a vécu. Andrew travaille à une nouvelle biographie de Jack London et a besoin de s'imprégner de l'atmosphère des lieux où a vécu l'écrivain. Uh-huh. Hmm. En 1898, des milliers d'aventuriers attirés par le mirage de l'or se sont mis en route à pied ou par bateau pour Dawson City. À l'époque, c'était la ville la plus importante au nord de San Francisco et à l'ouest de Winnipeg. Le sel valait son pesant d'or et le litre de lait coûtait plus de 30 $. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous allez faire pour vous rendre de Little Bear Lake à Dawson City. Non, il aurait été plus logique de louer un avion. Vous avez tout à fait raison. Et notre intention est de remonter jusqu'à la baie de Mackenzie, de nous arrêter à Fort McPherson, et de rejoindre Dawson City en avion. Je ne comprenais rien à l'itinéraire que prétendaient vouloir emprunter les deux hommes, qui visiblement n'étaient pas des touristes. Alors que les explications de Andrew concernant ses recherches sur la vie de Jack London, la manière dont il parlait de Dawson City, semblait tout droit sortie d'un guide touristique. Pour tout dire, j'avais le sentiment que quelque chose ne collait pas dans l'histoire que me racontait Thomas Brooks et ce monsieur Andrew. J'avais remarqué à l'arrière du 4x4, en leur faisant le plein d'essence, deux fusils à lunettes de gros calibre. D'ailleurs, leur présence dans la voiture n'avait rien d'anormal dans la région. Il y avait aussi une caméra, et plus étrange, entre une toile de tente et du matériel de camping, une combinaison de plongeurs dans un sac de sport mal fermé. Je demandais aux deux voyageurs s'ils comptaient rester longtemps à Little Bear Lake, s'ils y allaient pour chasser, après tout c'était la saison des caribous et des ours grizzly. On va à pêcher. Mon ami et moi, nous allons à Little Bear Lake pour pêcher. Ah, je suis passionné de pêche. Je suis un ancien marin. Ah, autrefois, je pratiquais la pêche au gros dans le Pacifique. Maintenant, je me contente des truites et des saumons du Yukon et des rivières des Northwest Territories. Savez-vous que plus de 15 000 espèces animales sont aujourd'hui menacées de disparition? Les causes sont connues. Le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes. Tom est biologiste. Je suis zoologue. Et, accessoirement, écrivain. Et comme l'a dit Tom, je prépare une nouvelle biographie de Jack London. En vérité, si nous allons à Little Bear Lake, c'est pour répertorier la faune et la flore subaquatique. Poissons, crustacés, invertébrés, et même les bactéries. Mais c'est passionnant, dites donc. Alors comme ça, vous êtes des scientifiques. Oui, enfin, ce qui ne devrait pas nous empêcher de taquiner la truite dans les rivières alentours. Comme vous le savez sans doute, le réchauffement de la planète entraîne une désertification croissante des océans. La hausse des températures des eaux de surface empêche la remontée des nutriments qui alimentent le plancton végétal. Plancton qui constitue la base de la chaîne alimentaire océanique. Nous parlons de désertification car en mer comme sur les terres émergées, le désert est un espace privé de végétaux photosynthétiques. Avec l'aide d'un satellite capable de voir la couleur des océans, nous cherchons à mesurer si le réchauffement a le même effet désertifiant sur un lac situé au-delà du cercle arctique. Tom Thomas Brooks et son compagnon ont repris la route. Ce n'est que 2 mois plus tard, en tombant sur un numéro du Calgary Chronicle, dans un bar de Fort Simpson, que j'ai eu de leurs nouvelles. Un 4x4 était sorti de la route et était tombé dans un ravin. Il n'y avait qu'un seul survivant. L'article était accompagné d'une photo et j'ai tout de suite reconnu Brooks. L'accident était arrivé à une vingtaine de miles seulement de Fort McPherson. Et Brooks a été repéré assez vite et recueilli par des chasseurs. L'article parlait de 2 scientifiques dont l'un, Andrew Hicks, me souvient toujours pas de son nom, était à la fois un scientifique de renom et un écrivain célèbre. Il était question des recherches qui avaient amené les deux hommes à Little Bear Lake et évidemment du satellite. Rien de mieux qu'un satellite pour donner de l'importance à des recherches. Je peux m'empêcher, tu vois, de trouver louche la disparition d'Andrew. Que s'est-il passé à Little Bear Lake? Voilà ce que j'aimerais bien savoir. Il n'y a pas âme qui vive à des centaines de kilomètres à la ronde là-bas. Est-ce que tu ne serais pas en train d'échafauder un roman autour de ce qui est après tout qu'un banal accident? Un pneu qui éclate, la direction qui ne répond plus. Bon, la police canadienne a dû enquêter. Et puis, avec un peu de chance, ton Tom, alias Thomas Brooks, si c'est bien lui, va s'apercevoir qu'il a perdu son portefeuille et ne va pas tarder à se manifester. Et tu pourras toujours lui demander des éclaircissements. Dehors, les rafales de vent glacé qui venaient de l'océan nous forçaient à avancer courbés au milieu de la rue verglacée. Les mâts des lampes au sodium paraissaient sur le point d'être déracinés. Et des cartons, des boîtes de bière vides, des journaux remontaient brusquement la rue, poussés par le vent comme pris dans le courant impétueux d'un fleuve. Nous avons rejoint nos voitures sur le parking en décidant de nous retrouver le lendemain matin et d'aller rendre visite à Tom, alias Thomas Brooks, au 104 Liberty Road, l'adresse indiquée sur les cartes de visite. Nous avions même le prétexte pour aller sonner à sa porte. Je venais lui rendre le portefeuille qu'il avait perdu et que j'avais trouvé. Il était près de midi et il faisait à peine jour. Il allait de nouveau neiger. Le vent était tombé, le ciel était gris et bas, et on distinguait à peine les sommets des montagnes dans la nuit. Le 104 Liberty Road était une assez grande maison en bois, peinte en rouge, avec des volets blancs bâtis sur des fondations en béton, comme il y en avait tant dans la ville, aux pignons tournés vers la rue. Les volets étaient fermés. À l'oiseau a le sommeil lourd, à moins qu'il ait filé. Pourquoi aurait-il filé ? Ce type est un chercheur. Son truc, c'est la génétique. Il est amoureux et il veut se remarier avec son ex-femme. Arrête de faire de Brooks un criminel. Ted fit le tour de la maison pendant que j'appuyais sur la sonnette. Allez. Ouais, personne. Brooks a filé. Mais Brooks ne sait pas que nous le cherchons pour lui rendre son portefeuille. Pourquoi nous fuirait-il alors qu'il ne sait pas que nous existons ? Nous avons décidé de retourner au café pour voir si Brooks n'était pas passé dans l'espoir de retrouver son portefeuille. La serveuse était la même que la veille au soir. Elle se souvenait très bien des deux jeunes gens. Je lui tendis le portefeuille en lui expliquant que mon ami et moi l'avions trouvé sur le parking et que, selon toute vraisemblance, d'après la photo sur son permis de conduire, il devait appartenir au type d'hier soir. J'avais subtilisé la photo sur laquelle on voyait Brooks avec Alice devant le petit Cessna. La serveuse a pris le portefeuille, l'a rangé derrière le comptoir et a dit qu'elle allait le rendre à son propriétaire lorsque celui-ci reviendrait dans le café. Mais elle n'avait jamais vu cet homme auparavant. Si, au bout d'une semaine, il ne se manifestait pas, elle remettrait le portefeuille, les papiers et les 32 dollars qu'il contenait à la police. Six mois plus tard, par un jour de chaleur étouffante de la mi-août à Calgary, je crus reconnaître Alice dans un supermarché de la 12e avenue à Regal Terrace. Elle portait un short rouge, un t-shirt blanc et un foulard était noué autour de son cou, ce qui m'a semblé étonnant vu la chaleur. J'étais certain qu'il s'agissait de la même femme. En sortant du parking, elle emprunta Edmonton Avenue, traversa la Bow River. Il y avait peu de circulation et la jeune femme conduisait lentement. Je n'avais aucune difficulté à la suivre. Elle prit ensuite la 6e avenue et la 6e rue pour s'arrêter finalement devant un petit immeuble cossu de 3 étages en face du Fort Calgary History Park. J'avais trouvé une place pour me garer à quelques 50 mètres de la Toyota. Trop près aux yeux de n'importe quel détective débutant. Mais je n'étais pas détective. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais au juste ? J'avais suivi la jeune femme sur une impulsion en espérant retrouver Thomas Brooks. Retrouver Thomas Brooks, mais pourquoi faire ? Résoudre le mystère de Little Bear Lake et de la mort d'Andrew ? Encore fallait-il qu'il y eût un mystère. J'entrai dans l'immeuble. Arrivé devant sa porte, j'hésitai un instant, me demandant ce que j'allais dire à l'ex ou future Madame Brooks. Après tout, je n'avais aucune raison valable pour l'aborder. C'est en pensant à la tête qu'allait faire Ted Barlow que je me suis décidé. Je sonnai. Alice Brooks, lorsqu'elle entrebâilla la porte bloquée par une chaîne de sécurité, avait de profonds cernes sous les yeux et la tête de quelqu'un qui n'a pas dû dormir beaucoup. Puis, je remarquai sur le côté gauche de son cou une vilaine marque qui ressemblait à une brûlure que d'un geste elle essaya de cacher sous un foulard. Je me présentai comme un correspondant de Brooks, professeur de zoologie à l'université de Vancouver. J'expliquai laborieusement que j'avais égaré son numéro de portable, que, me trouvant pour des raisons professionnelles à Calgary, des collègues m'avaient donné son adresse. Quel collègue ? Le professeur Smith. Il travaille sur la disparition des végétaux photosynthétiques à la surface des océans. Je ne me souviens pas que mon mari m'ait jamais parlé d'un professeur Smith. Je n'ai pas retenu votre nom, monsieur ? Mon nom ne disait rien à la jeune femme, et pour cause. Ne sachant comment poursuivre et voyant que de méfiante elle devenait hostile et allait me claquer sa porte au nez, je dis « Je dois rejoindre votre mari à Little Bear Lake. J'aurais dû commencer par là. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. » Je fis un rapide sourire, tournai le dos à Madame Brooks et me dirigeai vers l'ascenseur. « Qui vous a dit que mon mari est à Little Bear Lake ? Attendez ! Qui vous a dit que mon mari est à Little Bear Lake ?» Je téléphonais le soir même à Barlow pour lui raconter ma rencontre et le drôle de jeu auquel je venais de jouer. On va retrouver Brooks. À mon avis, on le tient. J'espère quand même que tu as renoncé à ton idée extravagante qu'il a assassiné son compagnon de voyage. Le type qui s'appelait Andrew. Je fis encore part à Ted de la marque étrange que j'avais aperçue au cou de la jeune femme. Écoute, j'ai pas de clients en ce moment. Viens me rejoindre à Dawson City et de là, avec mon zing, on fait une virée à Little Bear Lake. Voir ce que trafique Brooks. Comme moi aussi, je disposais de temps, que je manque d'imagination et que Brooks, bien malgré lui, était entré dans ma vie, je décidai d'accepter la proposition de Barlow. Nous nous sommes posés 1h30 plus tard, après avoir survolé les eaux calmes du lac sans repérer la moindre trace d'installation humaine sur ses bords. Notre arrivée était bruyante et ne passerait pas inaperçue auprès des populations de caribous, d'ours et autres occupants des bords du lac. On s'est planté! Il n'y a personne! Écoute, on met le canot pneumatique à l'eau, on débarque, on trouve un endroit où dresser la tente et on part à la recherche de notre gars. De toute façon, maintenant, il doit bien se douter qu'il a de la visite. Et tu es persuadé qu'il sera seul? Qu'il est venu ici tout seul? On verra bien. Une fois débarqué et la tente montée, on a ouvert 2 boîtes de cornet de bif, fait un feu et du café. Il était 10 heures du soir. Nous n'étions pas fatigués et puis nous étions en été et à cette latitude, le soleil n'était pas prêt de se coucher. Sans attendre, nous avons décidé de partir à la recherche de Brooks. Ted prit une paire de jumelles, un fusil à lunettes et mit des munitions dans une poche de sa parka. Je demandai à Ted pourquoi il avait choisi une arme d'assaut. Un AR-18, mon pote, avec des balles 5-5. Au cas où on rencontrerait un ours qui va à la pêche au saumon. Et puis après 3 heures de marche, pendant lesquelles nous n'avons pratiquement pas échangé un mot, harcelés seulement par des essaims de moustiques, nous avons aperçu le canot. Le visage de Ted se contracta et tout son corps sembla soudain en alerte. Il me fit un clin d'œil et dit en baissant la voix « Il est là. » « Qu'est-ce qu'on fait ?»« On repère d'abord le terrain. On observe. On voit ce que Brooks trafique. Puis on veut lui parler. Ouais. »« Tu vas lui parler. »« Je vais lui parler. Ouais. » »« En attendant, on reste à l'abri des sapins. On se planque et on observe. » Il me tendit les jumelles. Le petit canot à moteur dérivait au milieu du lac sans personne à son bord. L'eau autour du bateau était souillée par des traces huileuses et irisées de divers carburants. Mais soudain, l'eau du lac fut agitée par des vagues furieuses et un vacarme énorme envahit l'espace balayant les bruits de la forêt. Un tintamarre de fêtes foraines, suivi par des explosions de fusées et des étoiles de feux d'artifice. L'éclat fut si surprenant, si extraordinaire, que je crus à une hallucination. Ted se glissa à côté de moi. Au même moment, une voix diffusée par un haut-parleur semblant venir d'un hélicoptère invisible couvrit l'orgue de barbarie. Que le jour fasse place à la nuit. Actionnez les décors et les machines. Faites entrer les musiciens et les danseurs. Sortez des flots et des abysses, morts, tritons et sirènes. Et vous, griffons, et vous, cynocéphales, hommes à la tête de chien, blémiens qui avez la tête sur les épaules, cieux dont le pied hypertrophié peut servir d'ombrelle et vous encore, stymphalides, oiseaux aux ailes et plumes d'airain, jadis tués par la glace. Prenez votre vol! Et voilà que sur la grève, devant les flots démontés du lac, apparut une ménagerie d'ours et d'éléphants en gracieux petits jupons écossais et en culottes tyroliennes qui se mit à exécuter des pas de danse. Et puis surgit le tigre. Le tigre du miroir. Qui nagea vers la rive sans provoquer le moindre début de panique chez les animaux danseurs. Brooks fabrique des chimères à partir des modèles qu'il expérimente sur les animaux, en introduisant par exemple le gène d'un phoque dans le génome d'un caribou. Il tente aussi de mettre en circulation des androïdes. La difficulté, c'est de savoir lesquels d'entre ces charmantes bestioles sont susceptibles de nous avaler tout cru. Et lesquels sont de purs simulacres. J'étais incapable de réagir. Prendre la fuite ne me traversait même pas l'esprit. J'étais incapable de savoir si j'étais dans un rêve, si le manque de sommeil et le soleil qui ne se couchait pas me faisaient avoir des hallucinations. Cette ménagerie délirante, Ted Barlow et son arme de guerre. Le tigre nous avait aperçus et avait tourné sa tête vers nous en grondant. Il avait l'air féroce. Il était immense, avait 6 pattes, 3 yeux et montrait des crocs d'une taille disproportionnée. Vrai ou faux tigre ? Vrai faux tigre. Ce sont des chimères. N'oublie pas. Des chimères. Enfin, il se pourrait bien que toutes ces petites bêtes ne soient pas des chimères. C'est bien ça le problème. Puis, de manière tout aussi inattendue, la fantasmagorie disparut. Les animaux fantastiques, les stymphalides, les griffons et autres cynocéphales disparurent. Le tigre du miroir retourna dans le lac en compagnie de l'ours en jupon écossais. La fanfare cessa de jouer et le vacarme de fête foraine s'évanouit. Et Brooks, sortant de l'abri de la forêt, s'avança sur la rive. Il se tourna vers nous sans nous voir. Qui que vous soyez, je sais que vous êtes là. J'espère que vous avez apprécié le spectacle produit par mes créatures merveilleuses. La musique était peut-être un peu forte, je le concède. Montrez-vous ou je vais être obligé de lâcher mon tigre. Tout se passa très vite. La détonation fit un bruit d'explosion dans le silence de la forêt. Thomas Brooks fut projeté en arrière et s'écroula dans l'eau, atteint d'une balle en pleine poitrine. Viens m'aider à sortir de l'eau. Tu viens d'assassiner un homme. Pourquoi? Mais tu es devenu fou. Pourquoi tu as fait ça? Tu es fou. Ne t'approche pas du fusil. Calme-toi. Cet homme devait mourir. Je devais le tuer. Thomas Brooks était devenu trop dangereux. Écoute-moi. Brooks a détourné un programme gouvernemental à son profit, à l'abri de soi-disant recherches sur la préservation des espèces et la sauvegarde de la faune subaquatique dans les régions arctiques. Il s'est approprié les recherches d'Andrew Johnson sur les modifications du génome. Et c'est pour ça qu'il l'a tué, en simulant un accident de voiture. Tu savais depuis le début qu'Andrew s'appelait Johnson. Mais je ne pouvais pas te mettre au courant de l'histoire, te fournir des éléments qui t'auraient mis sur la piste. En fait, je travaille pour les services secrets. Et ça fait 1 an que je suis sur la piste de Brooks. Lorsque tu l'as croisé, à Anchorage, j'avais perdu sa trace. Et puis, deuxième coup de chance, tu tombes par hasard sur sa femme, à Calgary. Après ton coup de fil où tu m'as donné l'adresse de la femme, j'ai averti l'agence, qui a envoyé un gars chez elle le soir même pour la cuisiner. Il a réussi à lui faire avouer notamment que sa brûlure au cou lui avait été infligée par une des créatures de Brooks, qui n'arrivait même plus à maîtriser, et qu'il menait à bien ses expériences au bord du lac. Mais plus grave, d'après nos informations, Brooks est parvenu à intégrer au sein du génome d'un embryon humain, au moyen d'un vecteur viral, un gène dirigeant la synthèse d'une protéine. Autrement dit, il est parvenu à modifier un embryon humain. Des pays pas spécialement amis s'intéressent de très près à Brooks, à ses techniques et à ses mystérieuses créatures. Nous savions qu'il négociait avec le gouvernement de l'un de ces pays. Nous ne pouvions plus attendre. Il fallait agir vite. Et c'est alors qu'on m'a donné l'ordre d'abattre Brooks. L'ordre est tombé la nuit où tu es venu me rejoindre à Dawson City. Voilà toute l'histoire. Je suis désolé. Reste à trouver son laboratoire. Ne t'approche pas du fusil. Ted Barrow, de Michel Deutsch, avec Mohamed Rouabi, le narrateur, François Siener, Ted Barrow, Félicien Jutner, Thomas Brooks, Flora Brunier, Alice Brooks, Laurent Houry, Andrew Johnson. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Sébastien Labarre, Annabelle Brouard, Jean-Mathieu Zande. Thank you. Thank you.